aujourd'hui je me sens bleu, un peu marrant sur les bords. Quelle sensation étrange que d'être si mou ou dur. Je voulais pas vous le dire, de peur d'encore maigrir, mais cette fois je suis prêt. Mon ventre s'est vidé, ce sera pour d'un pour toujours. Je mange un gros plat de pâtes et suis un sudoku. J'ai horreur de l'eau plate, si vous trop et place, et que j'aime parler qu'en place, ça s'appelle pas encore. L'engraisse a nulle part. J'aime la merde et je vous emmerde. Je dis n'importe quoi, alors mets-toi un doigt et puis s'en va. Arrache un ongle à ta seule. Florence est italienne, mais moi j'aime pas le rock si j'ai des odeurs fortes. Je te dis, et alors, si je suis gros et place, et que j'aime pas les gants de place, ça s'appelle pas encore. L'engraisse à nulle part, pourquoi est-ce que je dis ça? Pour me rendre intéressant, vous me traitez de pigeon. Mais je vous chie dessus, aujourd'hui si je vis, c'est sûrement que je suis mort, alors je rentre chez moi, et je bois un milkshake, milkshake! J'aime la merde, et je vous emmerde, je dis alors mets-toi un doigt et puis s'en va. Arrache un ongle à ta sœur. J'aime la merde. Vous emmerde, je dis n'importe quoi, alors mets-toi un doigt et puis s'en va. Arrache un ongle à ta sol. Sol.